Dans la deuxième partie du XIXe siècle, de nombreux poètes, classés sous le titre de symbolistes, ont fait paraître des œuvres qui étaient en réaction contre les traditions du romantisme, telles Lamartine, Musset, Vigny, Hugo et autres poètes romantiques, que vous pouvez retrouver dans les fichiers correspondant à ces noms, et en réaction aussi contre la tradition du Parnasse, que vous pouvez retrouver dans les dossiers intitulés « Poètes parnassiens » et « Le comte de Lille ». Parmi ces écrivains symbolistes, vous ne trouverez pas, dans les enregistrements qui suivent, les œuvres de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud, pour lesquels j'ai créé un dossier particulier à leur nom. Reste ce que j'appelle de ce fait les autres poètes symbolistes. Vous trouverez donc successivement des poèmes choisis parmi les œuvres de six autres poètes symbolistes, à savoir Stéphane Mallarmé, Jules Laforgue, Émile Verhaeren, Albert Samain, Henri de Régnier et enfin Jean Moréas.